côté mécanique, pour déterminer justement si c'est l'apothéose, c'est le temps de bifurquer. Et de quelle façon on peut aussi se fier un peu plus à ce que nous sommes plutôt qu'à ce que nous avons appris à être. Alors, si Charles a des questions là-dessus, ou si vous en avez sur papier, on va y répondre. Voilà, il y en a pas mal là-dessus. Ça doit répondre, je pense, à la majorité des questions que les gens peuvent avoir. Alors, on va décoller. On va commencer par celle-ci, qui est de Jocelyn. Dis-nous, quand l'homme d'affaires sait qu'il a réussi monétairement, réussite monétaire, et qu'il est temps de passer à autre chose, à quel moment on le ressent? Bon, jamais l'homme d'affaires n'a réussi et jamais il n'est temps de passer à autre chose. C'est-à-dire que ce n'est pas une question d'argent, passer à autre chose. Tu ne peux pas dire j'ai tant en banque ou j'ai tant en possession, en valeur, j'ai réussi. Ce n'est pas ça qu'on fait. Réussir, du point de vue des affaires, c'est simplement travailler toute sa vie, avoir des biens, des valeurs, un peu d'argent, peut-être des employés, avoir une quantité de produits qu'on vend, peut-être les profits ne sont pas gros, mais le chiffre d'affaires est énorme, et puis on meurt après. Alors, un homme d'affaires ou une femme d'affaires qui réussit, c'est un être humain qui réussit, qui a du succès, mais pas exclusivement du succès en affaires. Ça ne se mesure pas en dollars, en signes de pièces. Et il serait totalement aberrant de considérer que même si on est des personnes qui travaillent ou qui font des affaires, il serait totalement aberrant de considérer le succès uniquement du point de vue des affaires. Parce que l'être humain vit une partie de sa vie. La majorité des personnes qui sont en affaires exactement comme une personne obèse mange du gâteau. Pareil. Ils vivent les affaires. Ce n'est pas un job. La majorité de ceux qui sont en affaires. Certains vont dire, je veux avoir de l'argent, mais à un moment donné, ils disent non, mais ils n'arrêtent pas de faire des affaires. Alors, celui qui est en affaires, c'est une partie de sa vie. Réussir sa vie ou réussir tout court, avoir du succès, c'est pas exclusivement le capital financier qui est important. Donc, un individu, quand est-ce qu'un être humain doit changer de cap? Celui qui est en affaires est en affaires. Si on regarde le succès d'une compagnie, eh bien, à un moment donné, quand tout va bien, tu as établi ta clientèle, tu as établi, disons, différents produits, tu as fait une étude de marché ou de faisabilité convenable, et ça fonctionne, eh bien, à un moment donné, tous ceux qui gèrent la compagnie, les administrateurs, ou encore le comité de direction ou une personne, doit simplement vérifier si c'est le temps ou non de changer. Mais tantôt, tu as parlé d'apothéose. Comment fais-tu pour savoir que tu es à l'apothéose ou que tu es en croissance? Comment tu peux le sentir? Il y a un truc absolument infaillible. La seule chose qu'il y a, c'est que pour que le truc devienne infaillible, l'être humain doit être suffisamment anégoïque. Anégoïque, c'est simplement être dépourvu d'ego. Être sans ego ou être suffisamment sans ego. Pourquoi? Parce que s'il y a un gros problème, il y a des exercices qu'on peut faire, que je fais de temps en temps avec des personnes qui font le séminaire. Un exercice extrêmement banal où tu as à choisir, par exemple, entre 5 verres qui cachent quelque chose, lequel des verres cache un objet. Et les personnes, eh bien, c'est très facile à savoir à travers 5 verres lequel cache l'objet. Je demande à l'individu, tu me nommes celui que tu es convaincu qu'il l'a. Les intellects avertis vont dire, il n'a aucun, comment veux-tu que je le sache? Ça, c'est le genre de personne qui, dans sa vie, ne se lance dans rien de neuf, parce que de toute façon, comment veux-tu qu'il sache? S'il se lance dans du neuf, eh bien, il suivra des cours, il lira, il apprendra, et lorsqu'il aura réussi à accumuler suffisamment de bagages pour se sécuriser, ou que le neuf sera suffisamment vieux au travers de ses connaissances, il va se lancer. Ça, c'est l'intellect. Celui-là, je lui ai dit, essaye au hasard, là, fais quelque chose. Il y en a un des verres que tu vas avoir plus l'impression que c'est lui, puis un, tu auras plus l'impression que c'est pas lui, puis il y en aura des médiums. Ça, c'est l'intuition. En affaires ou en n'importe quoi, c'est la même chose. La personne qui choisit dans les verres, eh bien, elle va me dire, celui-là, il me semble que c'est celui-là. Tu le lèves, tu le tournes, il n'y a rien en dessous. Bon. Mais maintenant, je dis, l'autre, là, lequel autre que tu penses le plus qu'il y en a? Elle va toutes les faire, elle ne l'aura pas. Si on commence à l'inverse, celui que tu es sûr qu'il ne l'a pas, regarde. Elle lève, c'est celui-là. Puis ça, vous pouvez faire le test chez vous, c'est très facile. Même quand on est au courant du phénomène, on aura plus de chances de réussir si on prend ce qu'on est sûr que c'est pas bon que si on prend ce qu'on est sûr que c'est bon. Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi on n'a pas de bon du premier coup? Puis en affaires, c'est souvent la même chose. Puis je pourrais te citer un paquet d'exemples de choses qui ont parfaitement réussi alors qu'on était convaincu que ça ne marcherait pas. Je ne vais pas juste parler de toutes les inventions que le Québec met sur pied et que les Allemands ou les Américains vendent, parce qu'il n'y a aucun homme d'affaires ou femme d'affaires au Québec qui pense que ça doit être l'allure. Mais il y a énormément de choses dans le genre qui fonctionnent. Maintenant, il faut faire attention, je dis je peux donner des moyens, mais on doit maintenant vérifier sa faculté d'anégoïsation, d'être sans égo. Si tu veux absolument, tu fais l'affaire avec les verres, puis tu te rends compte que 7 fois sur 10, celui qui est sûr qu'il ne l'a pas, il l'a. Là, tu vas dire, maintenant c'est simple, si je me lance en affaires. La chose que je suis sûr que ça ne marchera pas, c'est elle que j'entreprends. Plus de chances que ça marche. Ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a effectivement plus de chances que ça marche. Maintenant, un psychologue américain très connu, que je ne connais pas, mais habituellement on se réfère à un psychologue américain très connu, pourra dire, l'affaire que tu es sûr qu'elle ne marche pas, elle marche mieux, parce qu'étant sûr qu'elle ne marche pas, tu vas mettre toutes les énergies qu'il faut pour qu'elle marche. Alors que l'affaire que tu es sûr qu'elle va marcher, elle risque de tomber, parce que tu vas trop te fier sur l'idée qu'elle va marcher. Ah, ça peut être une explication. C'est pour ça qu'il est très connu. Ben, c'est pour ça qu'il est très connu. Bon. Alors un jour, je me fais américaniser, j'écris des livres de psychologie, je suis très connu. Bon. Ça peut être une explication qui est acceptable par la psychologie. Mais ce n'est pas l'explication. C'est un support psychologique. Il se trouve simplement que l'être humain est bâti d'un ego. Il est bâti d'une structure qu'on appelle théologiquement l'âme. Hein? Psycho veut dire âme, logie qui se rapporte à ou science qui étudie. Alors la psychologie, c'est tout ce qui se rapporte à l'âme. Enfin, c'est un terme que ceux qui ne croient pas acceptent plus, mais c'est le même phénomène. Il y a à l'intérieur de cela l'ego, le je, le moi, le je suis le meilleur. Et cet ego-là, il est absolument construit de mémoire, c'est-à-dire que dans un enfant qui vient au monde, il y a peut-être les prémices d'un véhicule amique, véhicule astral, il y a les prémices d'un véhicule qui supportera l'émotion, qu'on appelle l'âme, la psychologie, qui est capable de conserver de la mémoire, qu'on appelle encore la psychologie ou qu'on appelle aussi l'âme, et qui est capable à un moment donné de s'identifier là-dedans. Alors à un moment donné, il y aura l'apparition de l'ego, du je, du moi. L'ego, c'est ce qui, il faut expliquer très très brièvement de quelle façon la psychologie se construit, c'est que l'être humain, il est vide, comme une carafe, c'est un corps physique, et à l'intérieur de la carafe, il y a de l'information, de l'expérience amenée par les sens, et cette information-là, elle pénètre, et puis elle est mémorisée. Quand il y a 25, 30, 40 fois, 200 fois, 1000 fois la même information qui pénètre, elle crée un agglomérat. Donc, lentement, l'enfant va reconnaître sa mère, et il va distinguer que c'est d'autres femmes. Pourquoi? Simplement parce que l'odeur, le louis, le toucher, toutes les stimuli que sa mère lui apporte, deviennent un agglomérat dans sa psychologie, et quand une information émotive ou amique, intra-amique pénètre, si ça ne va pas avec ça, eh bien l'agglomérat la rejette, il ne la reconnaît pas. Il peut pleurer, il peut crier, et il va s'adapter s'il la voit souvent. Quand ça est suffisamment agglomérisé, lentement ça va se souder ensemble, et à travers le vécu de l'enfant de la naissance, aller jusqu'à l'âge 3, 4, 5, 6 ans, eh bien il y aura suffisamment d'expérience accumulée pour que l'expérience finisse par demander de la nourriture. L'expérience va dire, je veux voir maman. L'expérience a besoin de se nourrir du même genre d'expérience. L'expérience dans l'enfant, qu'on va appeler lentement l'ego. Et lentement, je veux que tu viennes. Je veux sortir avec toi. Bon, alors on manipule ce qui nous plaît pour nous nourrir. La maison dans laquelle tu as été élevé passe au feu quand tu as 25 ans et ça te touche. Tu es allé le revoir de temps en temps. La partie qui a expérimenté la maison vient de perdre son alimenteur à passer au feu. Maintenant, quand tu vas aller la voir, elle va vouloir se nourrir, ne pourra pas te nourrir, petite souffrance. Tu perds ton chat, tu perds ton chien, tu perds tes enfants, tu perds ton mari, ta femme, grosse souffrance. Mais c'est la partie qui se nourrissait, se nourrit plus, elle ne peut plus se nourrir. Le temps va faire que, ne pouvant se nourrir, elle va lentement mourir, disparaître. Elle se transforme en énergie. Elle se transforme en mémoire, en autre chose. Et donc, le temps va alléger ta souffrance. Tu ne souffriras plus. La partie qui veut s'alimenter étant plus là, ben, tu ne souffriras plus. Tu t'en rappelles d'une façon événementielle, mais pas d'une façon émotive. Lentement, il y a donc cette création d'ego qui désire. L'ego, c'est un gros problème, l'ego. C'est essentiel chez l'humain. Pourquoi? Parce que ça l'oblige à désirer. Ça fait en sorte qu'il se lève le matin. Ça fait en sorte que l'humanité, à travers l'évolution des temps, a fait des guerres, a fait des inventions, a crié, a chiolé. Ça crée plusieurs phénomènes au niveau de l'évolution. Mais à un moment donné, de la conscientisation de certains humains, l'ego devient un problème. Il y a une guerre totale qui va s'installer, comme je le dis souvent, entre le gâteau que tu ne dois pas manger parce que tu es au régime et la pomme que tu devrais manger. Je dois manger la pomme. Et moi, t'as dit que j'ai goût du gâteau. Alors finalement, il y a donc toute la structure astrale, la structure psychologique, qui a besoin de la gustation, de se nourrir de l'information du gâteau. Du goût du gâteau, du plaisir que le gâteau amène, c'est le dessert. Quand tu étais faim, quand tu étais petit, on te récompensait, on te donnait du dessert. En tout cas, on te privait de dessert pour te punir. Donc, manger le gâteau, du point de vue de ta psychologie, c'est la réussite, c'est que tout va bien, c'est le plaisir. La pomme, eh bien, peut-être moins. Il y a une guerre qui va s'installer. Comme celui qui veut acheter une automobile pratique, une automobile esthétique, il peut avoir une guerre entre ses mémoires, son ego et ce qu'il devrait faire. Lentement, donc, il y a cet ego qui désire. Qu'est-ce que l'ego désire? L'ego désire uniquement ce qui peut combler ce qu'il est lui. L'ego désire uniquement ce qui le sécurise. Et parce que l'être humain bâtit un ego, cela engendre une peur fondamentale chez l'homme. Cela le pousse continuellement à fuir la souffrance, à fuir la peur. D'où l'évolution. Étant donné que l'être humain qui a un désir astral, un désir égoïque, quand je parle d'astral, c'est un autre terme qui parle de la psychologie, mais qui est moins coloré. C'est un terme donc qui désire la même chose, qui désigne la même chose, l'émotion, les désirs et la mémoire. Et lorsque l'être humain en est rendu à un facteur de conscientisation où il a la capacité de temps en temps de s'attacher à une chose qui va fonctionner, il y aura du succès. C'est pas à cause de lui, c'est parce que ça marche. Même s'il fait tout ce qu'il faut pour que ça marche pas, ça va marcher. Puis s'il prend quelque chose qui ne marchera pas, il fera tout ce qu'il voudra pour marcher, ça ne marchera pas. On va dire de temps en temps, il y a un individu qui a un commerce et puis ça ne marche tellement pas, finalement il le vend. L'autre administrateur vient puis en fait un succès. Ah oui, c'est temps que lui change. Lui, il vit de la déception. Alors, il a changé pour aller se décevoir ailleurs parce que là le projet aurait marché. L'autre qui vient et qui lui ne marche que de succès, eh bien il a lancé des choses, des affaires, et puis là il bifurque, c'est inconscient. Il bifurque puis il s'en va acheter un truc qui est en faillite, puis il la relance. Il a bifurqué. Il garde son succès. Il a bifurqué. Pourtant, il y a des exceptions qu'on pourrait expliquer. Pourquoi l'être humain, à un moment donné, ne sait pas faire la nuance, ou pourquoi l'être humain qui va dire « j'ai cinq possibilités » ou « j'ai cinq courtiers », celui qui me vibre le moins, je le prends. Il va réussir avec lui. Pourquoi ça risque de ne pas marcher? Parce qu'il y a justement son ego. Son ego veut tellement la réussite qu'il va tout colorer, tout perturber, la capacité qu'aurait l'humain de savoir instantanément ce qu'il a besoin de savoir, simplement. Alors, il y a donc cette mécanique. Tu peux, pour savoir si telle chose est bonne ou telle chose est mauvaise, tu peux prendre une pièce de 25 cents, la lancer dans l'air, tirer à pile ou face, et tu vas dire, tiens, c'est pile, je fais ça. Ça, c'est le meilleur moyen de faire les affaires. Or, je sais que ça peut paraître extrêmement original. N'empêche, ça marche. Mais ça marche de deux façons. Ou le pile va toujours tomber sur ce que tu vibres, ou il va toujours tomber sur l'inverse. Faites l'expérience. Vous allez voir comment c'est intéressant. La problématique, c'est que dans nos cinq verres où tu as à choisir, tu dis celui que je pense qu'il a le plus, c'est lui, je l'élimine. C'est lui, je l'élimine. Celui que je suis sûr qu'il n'y a rien, je le prends. Coucou, c'est là. Maintenant que ton ego l'a expérimenté, l'ego de l'homme, de la femme et de l'enfant a une chose particulière. Il est bâti de mémoire et cette mémoire identifiée par l'expérience est comme un ordinateur, son programme pendant 35 ans, 24 heures sur 24, ce qu'on ne peut pas faire ou ce qu'on ne fait pas. Si on le programme continuellement, il aura aussi l'apparence d'intelligence. Quand on lui dira « t'es bien laid », ben s'il était programmé, il va répondre « toi aussi, c'est mécanique ». Si on lui donne un coup, puis il y a des capteurs sensitifs, il va réagir. Comme si on donne une claque dans le visage de quelqu'un, c'est une programmation, il réagit tout de suite. Le cœur accélère, il y a un paquet de mécanismes qui ne contrôlent pas, mais ça réagit, il passe. Notre ego, il est bâti de mémoire, et chaque fois que notre mémoire, notre ego, semble ou touche, sent que chez l'être humain, quelque chose qui n'est pas de la mémoire commence à venir intervenir. Ce que moi j'appelle l'intelligence, qui est différent de l'intellectuance. Eh bien, notre ego, en mémoire, a peur. C'est-à-dire que l'être humain foncièrement, l'ego, la mémoire, a peur de tout ce qui est neuf. Tu rentres chez vous, tu ne sais pas. S'il y a quelqu'un, tu peux t'angoisser. T'entends bouger, tu ne sais pas ce que c'est, tu as peur. Sauf celui qui vit de l'instantané. C'est un bruit, le cerveau essaie d'analyser pour reconnaître, il reconnaît pas, continue d'être en état d'attention, d'alerte psychologique et d'alerte mentale, puis notre ego embarque pas trop. Sinon, l'ego va embarquer, et il y a des humains qui sont encore au niveau de dire, oui, mais la peur, c'est utile, ça nous ralentit. Ouais, effectivement, c'est utile la peur, pour l'ego, parce que ça ralentit, justement. Si tu n'as pas peur de conduire vite, si tu es intelligent, tu ne conduiras pas vite. Pas besoin d'avoir peur pour conduire aux vitesses limites de la loi. Tu as qu'à être intelligent pour conduire aux vitesses limites de la loi. Ou conduire aux vitesses limites des possibilités sensorielles de ton corps physique et de l'analyse neuronique. Pas besoin d'avoir peur. Mais il y a beaucoup d'humains qui ne fumeront pas au lit par peur du feu. D'autres ne fumeront pas au lit parce que ce n'est pas intelligent. Puis d'autres vont fumer au lit parce qu'ils sont capables de contrôler. Puis d'autres vont fumer au lit et ils brûlent dans le lit. Et chaque individu a sa capacité. Lorsque la mémoire, lorsque l'ego commence à vibrer quelque chose de neuf, il a peur. Si ce quelque chose de neuf-là peut venir dans la conscience de l'homme, venir désassujettir notre gestuelle, notre parole, notre action de l'emprise de l'ego. Autrement dit, si ce neuf commence à faire en sorte que l'ego ne sera plus le maître contrôleur à bord, bien nécessairement l'ego aura peur et nécessairement l'ego va tout faire pour que ça ne soit pas. Mais le gros problème de la mémoire, de l'ego, donc de l'homme, quand je parle de l'ego, je parle finalement de 99% de ce qui constitue l'homme, la mémoire. Pour que cela n'arrive pas, la mémoire, elle, et le peuple québécois est un peuple qui a toujours été, qui se supportait dans sa médiocrité. Il ne peut pas viser trop haut. Maintenant, ça change, mais l'humain change. Ça change. Sauf que notre ego, l'ego de l'homme, il a un problème, il ne peut pas voir de la puissance. Il ne connaît pas la puissance. Quand il l'aura expérimenté, il va dire c'est correct. Tu vas à Las Vegas, puis tu dis, tiens, j'essaye là. Pourquoi j'essaye là? Ben, parce que j'essaye là. L'ego va carrément te l'interdire. Je donne l'exemple souvent. On a un chameau perdu dans le désert, le chameau a soif, il marche, il creuse, il boit. On a un humain perdu dans le désert, l'humain a soif, il marche, il creuse, il arrête de creuser, puis il dit, voyons, pourquoi là? Faut-tu être niaiseux? Ça peut être là, puis il meurt dans le désert, lui. Ça, c'est un humain, ça. Bon. Alors, il y a, chez l'homme, chez la femme, un facteur médiocrisant qui est très puissant, qui fait partie de l'ego. Et c'est ce qui nous donne toujours la peur de manquer notre coup. Tu te lances en affaires, tu te lances dans le mariage, tu te lances dans le couple, la peur de manquer ton coup ne te sert à rien. Absolument rien. Tu es chez vous, ton mari, ta femme, ton enfant n'est pas encore arrivé, tu es angoissé, tu es inquiet, ça ne sert à rien. À rien, ça sert à oui, ça brûle tes énergies, ça te permet d'évoluer. Ça engendre la peur, ça la stimule, ça nourrit des parties de l'ego qui ont été créées par, justement, ce genre de vécu. Là, à un moment donné, tu vas choisir les verres. L'être humain a tout ce qu'il faut chez lui. On a encore les compagnies pétrolières qui font affaire avec des sourciers pour détecter les puits de pétrole. Le gars, il se ramène un avion, puis il s'amuse avec un pendule, c'est des radiesthésistes. Puis quand il pense que le pendule pense pour lui, eh bien, on envoie des prospecteurs sur le terrain, puis là, on vérifie un peu plus, mais c'est plus économique de faire ça que de faire tout le Canada au complet. Ça marche. Ça fonctionne. Il y a énormément d'humains qui se servent. De temps en temps, tu essayes, ça marche. Mais comment étais-tu? Comment vivais-tu? Comment vibrais-tu quand tu as eu la bonne décision? Et comment es-tu quand tu n'as pas? Très, très facile d'exemple. Tu prends n'importe qui et tu lui dis, choisis un chiffre. Tu prends une carte. Il dit 5 et c'est le 5. Tu lui montres le 5. Voilà, il est fait. Les autres, tu ne peux plus avoir. Maintenant que l'ego vient d'expérimenter le succès et que l'ego est tellement convaincu qu'il ne peut pas être succès, avoir ce succès-là, il voudra tellement le réussir qu'il ne sera plus capable de pantoute. Parce que dans l'état premier où il était quand il l'a eu, maintenant, c'est plus ça qui est du tout. Il n'est plus comme ça du tout. Quand Guy Lafleur commence à être l'idole, la vedette, la pression psychologique qu'on dit, c'est ça la pression psychologique, c'est simplement que l'ego ne peut plus faire autre. L'ego ne veut plus, on ne veut pas vivre le manque de succès, vu qu'il est nourri du succès. Alors, ce qui va arriver, c'est que tu choisis tes verres, si ton ego sait très bien quelle est la chose dedans. Et regarde, une maison brûle, et puis on a des personnes qui vont rentrer pour secourir des gens. Si plus tu seras affectivement attaché à un individu, plus tu sauras où il est. Comme tu peux savoir qu'une personne est morte. Parce que ton ego s'en nourrit. Ah, il sait. On parle de puissance du subconscient. Il sert contre l'homme. Plus souvent que pour l'homme. Alors moi, je vais vérifier lequel de mes verres a le petit objet en dessous. Inconsciemment, je sais c'est lequel. Et inconsciemment, je prends le mauvais verre. Je m'induque, l'ego m'instruit que je reste incapable. Et donc, il y a donc une lutte, une guerre entre l'ego, puisque l'homme devrait faire? Oui. Tu connais la mécanique, c'est simple, faites l'essai. Tu connais la mécanique maintenant, essaie, choisis ceux que tu es sûr qu'il n'y a rien dedans. Mais il faut faire ça de façon froide, sans émotion. Pour l'instant, non. L'ego, c'est de la mémoire. Il va falloir qu'il expérimente. Alors, je l'essaye une fois et puis ça marche. L'ego vient d'expérimenter que maintenant... Le mental vient de découvrir le piège. La grosse problématique en affaires, c'est qu'une recette fonctionne jusqu'à temps qu'elle ne fonctionne plus. Il ne fallait pas être brillant pour le dire. J'ai mes 5 verres. Je prends celui que je suis sûr qu'il ne l'a pas et c'est dedans. Lentement, l'ego finit par se rendre compte que je donne l'inverse, que je prends l'inverse. Alors l'ego va maintenant me donner l'inverse de l'inverse. Certains diront qu'il va maintenant me donner la vérité. Mais pour l'ego, c'est réellement l'inverse de l'inverse. Mathématiquement, ça équivaut à la vérité, mais ce n'est pas ce qu'il veut. Il ne nous donne pas la vérité, il nous donne le faux, et il nous redonne le faux, ce qui donne être le vrai. Alors l'individu maintenant prend encore ce qui est faux, puis il ne l'a plus le résultat. Il commence à perdre. Puis on n'a qu'à faire des statistiques mathématiques. Si on a 5, 5, 6, 4, d'un bord ou de l'autre, c'est réellement la mathématique. Donc, on commence à aller chercher dans le 7, 3, 8, 2. Non. Quand une personne a de l'insuccès 8 fois sur 10, son ego fait tout pour qu'elle ne marche pas. Pourquoi? L'individu doit savoir. Parce qu'il fait tout pour passer à côté. Donc, il fallait qu'il sache où aller, puis il fallait qu'il passe à côté. Il n'y a rien à faire. Et en affaires, comme dans la vie ou comme n'importe quoi, bien souvent, on n'a pas 4 ou 5 ou 6 ou 8 décisions à prendre en même temps sur une chose. On a rarement 8 solutions. On peut au moins diviser ça en deux blocs de solutions, mais habituellement, c'est une chose ou l'autre. Je fais de la publicité ou j'en fais pas. Je lance ou je lance pas. J'engage ou j'engage pas. Je tourne ou je tourne pas. Et normalement, l'individu va prendre la décision. Normalement, il va prendre une décision qu'il ne devrait pas prendre. Il va prendre celle qu'il croit être la bonne. C'est problématique. C'est évident que ça va être dur de vivre en affaires ou en affaires sociales ou dans notre vécu conventionnel en se disant, bon, ben là, je me lance dans tout ce que je suis convaincu que ça ne marchera pas. Bon. Elle, je l'aime, mais rester avec elle, je suis sûr que ça ne marchera pas. Expliquer ça à ton gérant de banque, ça peut être assez difficile aussi. Je pars cette business-là parce que je suis sûr que ça ne marchera pas, ça prête moins d'argent. Il y a beaucoup de personnes en affaires qui vont dire, voyons, si je suis en affaires, si je prends ça en main, c'est parce que je suis sûr que ça va marcher. Oui. Mais c'est pas parce qu'il est là que ça va marcher. Ça ne marchera pas comme il pensait que ça va marcher. Il faut qu'il fasse un maudit paquet de changements en allant. Et ça ne sera pas comme il l'aura visualisé. L'homme d'affaires qui fonctionne bien, non, on parle d'homme d'affaires, mais il faut qu'on fasse le parallèle, c'est dans n'importe quoi. Tu commences. Quand tu as atteint un objectif, tu en prends un autre. Pour l'ego, tu vas mettre un objectif à long terme. Sinon, tu es tellement insécure qu'il va carrément tout te donner l'inverse, tu n'arrives pas à rien faire. Ça dépend des individus. Il y en a qui vont être capables d'y aller petit morceau par petit morceau sans voir à long terme. Mais combien de personnes, lorsqu'ils prennent de l'expansion, se cassent la gueule? C'est la majorité. De l'expansion dans le couple, tu as un enfant, tu en as deux. De l'expansion tout seul, tu te maries. Ça peut fonctionner, mais c'est pas comme tu pensais, il faut que tu changes de cap. Puis l'individu qui a la capacité de changer immédiatement au fur et à mesure que c'est le temps, il n'y a aucun problème. Il va se lancer dans n'importe quoi, il va réussir. Pourquoi? Parce que tout ce qui ne marche pas, il va l'abandonner. Simple. Il ne travaillera pas comme un déchaîné. En affaires comme dans la vie, il faut que ce soit facile. Si c'est compliqué plus que trois complications majeures, c'est pas ton chemin. Là, on va dire, ouais, mais c'est parce que tu es un lâcheur. Ben mieux vaut lâcher ce qui ne marche pas, puis pas avoir de mérite de réussir ce qui marche. C'est tellement plus simple. Alors, tu te lances dans quelque chose, des problèmes, il y en a. Ça, on comprend, il y en a. Mais lorsqu'une personne voit vivre, est atteinte par différents problèmes de plus en plus puissants, ça ne marche pas. Quand tu te lances en affaires, on s'attend à faire plusieurs heures. Mais les heures doivent être agréables. Quand les heures ne sont pas agréables, quand tout semble pas marcher, ton ego n'est pas dedans pantoute, ou au niveau de ta conscientisation, il n'y a rien à faire, tu n'es pas sur ta trame. C'est pas ton temps, c'est pas ton chemin, c'est pas ça. Alors, les façons de voir si l'apothéose est proche, les façons de virer, c'est simple. Si mais il faut qu'on soit suffisamment égoïque, on peut faire l'essai, ça marche. Quand j'étais jeune, je prenais un pendule, j'allais à mes examens. Puis là, c'était toujours à l'école, à un moment donné, les étudiants devenaient de plus en plus débiles, ça fait qu'on ne demandait plus d'écrire les réponses, on les mettait les réponses, on mettait A, B, C, D. Bon. Puis peut-être. Prenais le pendule, est-ce que c'est A? Pas. Est-ce que c'est B? Pas B. Est-ce que c'est C? Pas C. Est-ce que c'est E? Ou D? A. Et puis, j'ai passé quelques examens de même. Jusqu'à un moment donné où je me suis rendu compte que j'écoulais. Mais là, j'écoulais mais royalement. Alors, mon petit pendule me donnait toutes les fausses réponses. Donc, il marchait toujours. Mais contre moi. Plus avec moi. Et jusqu'à un moment donné où, dans la perturbation de la découverte, je ne savais plus si là, c'était la bonne ou la fausse. Donc, ça ne me servait plus à rien dans mon pendule. Je l'ai garoché. Lentement, l'être humain, justement, sent chez lui des choses. Le pendule, il sert à amplifier ce que tu vis, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Et à un moment donné, eh bien, je continuais, j'ai commencé à étudier, j'ai décidé de me remettre aux études, le pendule ne fonctionnait plus. Mais l'humain n'aurait pas à travailler autant qu'il travaille présentement. Ce n'est pas du succès. Celui qui perd sa vie, qui perd sa famille, sa santé, qui perd ses amis, dans son succès d'entreprise, il n'y a aucun succès là-dedans. Non, la bâtisse a du succès. Pas celui qui l'a généré. Il n'a pas de succès dans son affaire, pas en tout. Il y en a qui vont dire, ouais, mais regarde, l'argent n'amène pas le bonheur, il est millionnaire puis il se suicide. C'est pas l'argent le problème, c'est le personnage. Pauvre, riche, ça n'a rien à voir. L'argent, c'est utile, c'est de l'énergie, c'est intelligent d'en avoir de l'argent. Pour pouvoir se libérer de la matière. Pour pouvoir être plus libre, pour pouvoir justement continuer à se conscientiser. Cesser d'avoir peur et de souffrir. Mais l'argent, l'argent n'amène rien d'autre que la libération par rapport à la matière. Ou l'esclavage de l'ego par rapport à la peur de la perte de l'argent. Mais ça, chacun son cas. Alors, tu as à choisir, tu es en conscientisation, c'est-à-dire que tu te poses des questions, ou encore tu as des recettes de succès qui ne marchent plus. Mais il est temps de commencer à voir. L'apothéose, il est facile, c'est que chaque fois qu'on a une vibration astrale, égoïque, chaque fois qu'on est content, chaque fois qu'on a quelque chose en dedans qui fait que... C'est le temps de vérifier si c'est pas l'apothéose. C'est pas quand on se pense infaillible à peu près ou... Ouais. C'est le temps de vérifier si c'est pas l'apothéose. Puis normalement, quand un être humain est sur sa grosse lancée que tout marche à merveille, c'est normalement le temps de changer s'il veut continuer à vivre de succès. Quand je dis de changer, ça ne veut pas dire que tu vendais de l'assurance, puis là, ça va tellement bien que tu démissionnes. Ça va tellement bien que c'est peut-être le temps que tu t'instruises de ce que c'est que les valeurs boursières, les valeurs mobilières. Ça va tellement bien que c'est sans doute le temps que tu commences à trouver des bifurcations potentielles, puis à un moment donné, ça va commencer à baisser, tu pourras changer. Préparer des portes de sortie à l'extérieur. Je connais, moi, un vendeur d'assurance qui n'est pas assez bien vendeur d'assurance, et puis qui serait tout à fait contre ce que je dis là. Pourquoi? Parce que vers la fin de sa vie, il avait le même salaire, il vendait un peu moins d'assurance. Il retourne quand même, les assurances se revendent tous les années tout seul. Alors, il avait, disons qu'il vendait autant d'assurance que quand il était jeune. Alors, il va dire, ben, c'est pas vrai, tu vois, moi, j'ai jamais bifurqué. Mais quand il était jeune, il a lancé son affaire, il a travaillé, il s'est reposé. Puis plus le temps passait, plus il fallait qu'il en mette de l'énergie pour conserver son succès. Alors, du point de vue humain, il a perdu son succès. En plus, il avait augmenté sa nécessité. Il avait s'est acheté une maison, s'est acheté une automobile, il avait augmenté ses dépenses, et finalement, il avait donc de moins en moins d'argent. Fait que finalement, le succès, il ne l'avait pas. L'être humain qui marche dans quoi que ce soit doit continuellement s'attendre. Lorsqu'il est convaincu que c'est ça, bon, si on veut un truc, arrangeons-nous pour que jamais notre psychologie rende apothéotique, vive une apothéose, une jouissance de ce que l'on fait. Parce que si on est un être humain qui se conscientise, l'apocalypse se suit. Ça peut prendre un an avant qu'elle commence, ça va mais normalement, elle commence assez rapidement. Elle peut se dégrader sur 3, 4, 5, 10, 15 ans, mais ça se dégrade. Il y aura une perte quelque part. C'est merveilleux, j'ai 25 ans, j'ai ma BMW, j'ai ma maison, tout est parfait. Puis à 45 ans, j'ai pas bifurqué, toujours autant d'argent. Grosse bédaine, puis de corps physique, perdu quoi en arrière, bien des choses que tu avais. Il aurait fallu qu'il y ait une bifurcation quelque part. Ton affaire allait bien, ta santé, peut-être qu'au niveau de l'affaire, c'était pas l'apothéose, ta santé, il fallait bifurquer pour qu'on... En tout cas, il y a plusieurs choses. Mais l'être humain qui veut continuer à conserver son succès, le moindrement qu'il se conscientise, il sera assujetti à deux choses. S'il a une jouissance égoïque, psychologique de son succès, il va le perdre. Il n'y a rien à faire, il va le perdre. Quelqu'un qui me dit, j'en connais un, moi, qui ne l'a pas perdu, il n'est pas assez conscientisé. Laissez-lui le temps de le voir qu'il va le perdre. C'est immanquable, ça ne manque pas. Il va le perdre. L'autre chose est d'apprendre à bifurquer au bon moment. Bifurquer veut dire vérifier tout ce que nous, où c'est que nous en sommes rendus, du point de vue du succès, et maintenant, accepter du neuf, ne pas vieillir. Cela veut dire qu'à 22 ans, je me lance en affaires. À 27 ans, je vois quelque chose de plus grand ou de différent, ça me tente. Je peux peut-être baisser mon salaire, mais ça me plaît, ça me tente, je suis allé, je passe à d'autres choses. C'est bizarre que bonhomme. C'est un jeune qui fonce, qui grimpe. Mais à un moment donné, il faut commencer à se tirer bretelle son veston. Il faut commencer à s'assagir, il faut se vieillir. Puis là, changer, il faut commencer à ralentir. Ceux qui réussissent tout le temps, ce sont ceux qui s'entourent de gens jeunes, de gens qui sont capables de changer. Tu lances un projet, maintenant lâche-le, laisse-le dans les exécuteurs. Toi maintenant, va-t'en sur d'autres choses, lance d'autres choses. Délègue. Parce que tu es peut-être un parteux, mais pas un continueux. Puis la majorité de ceux qui sont fonctionnels devront bifurquer dans bien des points. Alors, on va continuer, mais une chose certaine, c'est que l'être humain qui s'écoute émotivement, s'il se conscientise, il va perdre. Celui qui ne se conscientise pas suffisamment, qui s'est toujours écouté émotivement, pas de problème pour lui, ça va fonctionner. L'astral, l'ego, besoin de sécurité, voilà mieux ce qu'il faut. Quand l'intelligence commence à marcher, pour vous prouver que vous n'êtes pas capable, ce qui nous constitue à 90% va nous envoyer dans les poubelles. Il y en a qui deviennent malades, il y en a la majorité ont une parole fausse, se démolissent en parlant, Et il y en a un grand paquet qui vivent les insuccès pour ne pas se prouver qu'ils sont capables. Et la motivation, elle a eu ça comme bon résultat pendant un bout de temps. C'était de programmer l'ego torieux que tu es capable. Mais l'ego n'est pas plus capable, l'ego. C'est le mental qui est capable, sauf que l'ego ne l'autorise pas. Il y en a un qui, pour se lancer en affaires, doit étudier pendant 15 ans des choses, parce que son ego va l'autoriser à se lancer en affaires quand il aura 15 ans d'études. Il y en a un autre qui va prendre deux livres, son ego va l'autoriser à se lancer en affaires. Lequel qui va réussir? Habituellement, celui qui lâche l'école jeune engage ses chums qui sortent diplômés plus tard. Bonne idée. Quelle est l'origine de l'intelligence supramentale? Alors, on va, comme je te dis, on va décoller, on va répondre un peu plus rapidement aux questions. L'intelligence supramentale, c'est quelque chose, c'est une énergie. Bon, intéressant. Depuis que, au Japon, depuis que le soleil s'est levé deux fois dans la même journée sur Hiroshima, une fois c'est notre soleil, la deuxième fois c'est une bombe nucléaire, on sait que la matière est constituée d'énergie. Un corps vivant d'un corps mort, on parle de la vie. Il y en a un qui est vivant, il y en a un qui est mort. Il y a l'énergie vitale. Oh, il y a les acupuncteurs qui en parlent depuis des milliers d'années, et aujourd'hui on commence à l'accepter parce que l'électronique est capable de détecter des points d'acupuncture. Yin, yang, c'est de l'énergie vitale. Et les orientaux ont toujours dit que l'Occident n'avait jamais découvert l'acupuncture. Pourquoi? Parce que leur médecine étudiait les morts, alors que l'Orient étudiait les vivants. L'énergie vitale, c'est ce qui garde la vie, c'est la vie. Alors un corps mort en a plus. L'énergie vitale construit la mémoire atomique, finalement moléculaire ou cellulaire, des choses. Quand l'énergie vitale d'un corps physique le quitte, le corps perd sa mémoire, il s'oublie. Dans le langage courant, il pourrit. Si on prend une pomme verte, elle est pleine de vie. On la met sur une table, elle mûrit. Lorsque la pomme aura toute transformé sa vie en expression matérielle, elle va maintenant oublier sa mémoire et pourrir. C'est de l'énergie. Lorsque nous sommes émotivement fatigués, ou physiquement, on est fatigué, les gens nous tapent plus vite sur les nerfs. On est plus impatient. On manque d'énergie. Alors, on peut dire, j'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui, on pète le feu. Ou j'ai pas beaucoup d'énergie, et on a de la misère à se traîner. On parle d'énergie aussi. Ben, c'est une forme de mot qui est relativement ajusté. On parle d'énergie. Moi, je parle même aussi des gens qui viennent nous têter notre énergie, les têteux. Ceux qui nous achalent, ceux qui ne comprennent jamais rien, ceux qu'il faut répéter 20 fois les mêmes affaires, ceux qui ne veulent pas qu'on règle le problème et qui veulent juste nous en parler. Puis quand on a fini de jaser avec quelqu'un, on est tout fatigué, on n'a plus le goût, on est épuisé. On vient de se faire têter, c'est un vampire. Bon, plus ça va, plus ça vampire souvent, voilà. Alors, lorsqu'on parle d'énergie mentale, on parle d'une énergie qui a la faculté d'éliminer l'émotion à travers notre expérience. Alors, nous avons eu des expériences qui ont été problématiques en affaires, dans notre vie conjugale, dans notre vie scolaire, partout. Et à un moment donné, lorsqu'on sent qu'on va revivre des événements similaires, on recommence à avoir peur. L'énergie mentale va faire en sorte qu'on va revivre les événements, on va se servir de la mémoire événementielle et non pas de la mémoire émotive. Et on va être capable de se servir de l'expérience sans coloration émotive. On n'aura pas peur. La première fois qu'on s'est fait mordre par un chien, quand on revoit un chien, on a peur du chien. Valeur émotive. Quand on a suffisamment d'énergie mentale, on revoit le chien et on en déduit, ça peut mordre. Mais on n'a pas peur du chien. Ah, là, ça commence à être efficacement utile. Énergie mentale. Énergie supramentale, c'est autre chose. Et pour les néophytes, c'est un peu bizarre, suspect même. Il y a sur la planète Terre de la matière. La matière s'accumule de la mémoire. La preuve, les cassettes audio, la photographie, mémoire photonique. Et la CIA a développé un appareil il y a quelques années qui lui permettait d'enregistrer une conversation qui avait eu lieu dans une salle jusqu'à une semaine après la conversation. Parce que les murs, la mémoire enregistre. Tout ce qu'il faut, c'est un bon révélateur. Les plaques photographiques, ça enregistre. Mais il faut qu'on révèle la photo. Il faut qu'on la fixe, qu'elle cesse d'enregistrer. Elle va continuer à enregistrer, mais ça paraît pas trop. Ça va jaunir la photo à la longue, mais ça paraît pas trop. La matière, depuis le début de la création de la planète Terre, elle enregistre l'événement. L'événement enregistré, il y a de cela plusieurs milliards d'années, disons 4 milliards d'années, est ce que nous appelons des archétypes, et qui dans l'Antiquité faisait référence dans la psychologie de l'homme à l'enfer, les feux éternels. en réalité la densification d'une boule de feu, la Terre, pour qu'elle se solidifie. Étant donné que cela date depuis de très longtemps, lentement à travers l'évolution de la conscience de l'homme, ça disparaît dans son archétype. De moins en moins, il pense à l'enfer comme étant un phénomène qui serait infernal, et de plus en plus, il dit l'enfer, c'est la Terre. C'est un ajustement, mais ça a toujours été la Terre. Lentement, à travers cette mémoire, il y a suffisamment d'expérience, la mémoire de ceux qui ont vécu, la mémoire dans ce qu'on appelle le monde de la mort, le ciel, la mémoire de la mécanicité, soit réincarnationnelle, soit non réincarnationnelle, mais du moins théologique, spirituelle, des croyances des humains, toute la mécanique qui s'est passée. Cela fait en sorte qu'à travers notre éducation, à travers notre socialisation et à travers notre naissance, nous devenons des prototypes plus ou moins communs. C'est-à-dire que nous naissons en Haïti, nous parlerons haïtien, nous aurons une conscience haïtienne qui paraît lente, peut-être pour ceux qui sont plus rapides, très ajustée pour eux, qui s'en fait pas trop et qui vit comme les Haïtiens. Nous naissons dans une famille qui appartient au Ku Klux Klan et nécessairement, nous pourrons haïr les Noirs, nous pourrons détester la race noire, aimer la race blanche et ce sera chez nous normal. Nous aimerons le Dieu relié à la famille dans laquelle nous sommes venus au monde. Si nous naissons chez les Krishna, nous aimerons Krishna. Si nous naissons chez les témoins de Jéhovah, nous aimerons Jéhovah. Ça dépend. On est archétypalement investi de nos parents, de toutes nos lignées familiales, et ça va nous constituer. À travers l'évolution de l'âme, il y a le mental, l'intellect plus puissant qui apparaît, qui est simplement l'écœurement, manquer son coup, qui finit par obliger l'humain à vouloir réussir un peu plus, et qui va faire en sorte qu'il va devenir plus efficace dans ses décisions. Mais tout cela est limité par ce que nous avons appris, par la mémoire de la planète. Vous ne savez pas comment est bâtie une navette spatiale parce que vous ne l'avez pas appris. Vous ne pouvez pas penser en hébreu si vous ne connaissez pas la langue hébraïque. C'est la limite. Vous ne savez pas distinguer un champignon comestible d'un champignon vénéneux parce que vous ne l'avez pas appris. Mais ceux à l'origine, dans l'Antiquité, qui ont connu les champignons, ils ont peut-être goûté. Certains ont mangé une amanite de phalloïde et en sont morts. OK. Mais dans une tribu indienne qui est une tribu qui a peut-être quoi, 25-30 habitants, dans plusieurs tribus autochtones, c'est pas nombreux. Ils connaissent les plantes comestibles, les plantes curatives, les plantes dangereuses. Ils peuvent même vous rendre malade, vous droguer, vous tuer. Pour fabriquer du curare, une plante que les Indiens d'Amazonie se servaient pour paralyser les muscles respiratoires de leurs cibles de façon à pouvoir les manger, il faut une science. Le curare, c'est pas une recette comme ça. Il faut la préparer. Les Indiens réducteurs de tête, je ne suis pas tellement gay, mais pour que la science arrive à prendre un cran en humain et le réduire à la grosseur d'un point, il faut du travail. Les autres sont capables. J'ai vu, moi, en Amazonie, des sarbacanes. Des grands tubes, on met une fléchette dedans, on la trempe dans le curare. Pourquoi? Parce que les Indiens savent que le curare est extrêmement mortel, mais que le système digestif n'en a pas de problème, lui. Fait que ce que tu tues avec le curare, tu peux le manger. Les sarbacanes, c'est une tige de bois. On enroule dessus de l'écorce avec de la colle, puis on en fait un tube de 6-7 pieds de long, parfaitement rectiligne. Il faudrait demander à n'importe quel technicien de lui faire une sarbacane. Il va travailler à se faire une mèche, pour faire un trou, lui. Il va avoir de la misère. Les indigènes peuvent le faire. Si nous ne sommes pas capables actuellement de distinguer ce qui est mangeable ou ce qui ne l'est pas, alors que dans une tribu de 20 personnes, ils le savent, on va dire oui, mais ça, c'est l'instruction orale. Mais dans l'Antiquité, il a fallu qu'ils l'apprennent quelque part. Puis c'est pas en s'empoisonnant tout, la tribu aurait disparu. Puis les maladies, vous avez un problème de foie, vous mangez toutes les plantes qui existent dans la jungle. Vous savez laquelle va vous guérir. Mais ils le savent, eux autres. Il y a un savoir instantané. Un quelque chose qui fait en sorte que tout ce qui constitue l'homme, et en affaires, c'est vital, ce genre d'intuition, tout ce qui constitue l'humain entre en résonance instantanément avec toutes les informations disponibles, et l'ego ne s'en mêle pas, il n'y a rien qui s'en mêle, on attend. Nous sommes une partie de l'événement, il y a toutes les parties de l'événement, il y a toutes les plantes de la forêt. J'ai un problème de mal de dents. Ou j'ai le scorbut, j'ai besoin de vitamine C, je ne sais pas. Et à un moment donné, eh bien, je vais marcher, je vais m'écœurer, je vais arracher quelque chose, je vais le mastiquer. C'est ça. Les Indiens ont donné à Christophe Colomb, à Jacques Cartier plutôt, des médicaments qu'eux ne connaissaient pas. Mais les Indiens ne souffraient pas de ces maladies-là ici parce qu'ils mangeaient ces choses-là. Mais il y a un sorcier qui a dit, ce que t'as, prends ça. Il n'a pas dit, nous autres, quand on a ça, ils l'ont jamais, ils en mangent. L'être humain a ça. Savoir instantané qui est l'intelligence supramentale. L'intelligence supramentale, savoir d'où elle vient, on s'en fout. C'est pas utile de savoir d'où ça vient. Ça vient de ce qu'on voudra que ça vienne. L'important est d'être capable de l'appliquer. L'appliquer nécessite implicitement que tout ce qui constitue notre expérience s'efface. On a un problème, quand on va cesser d'y penser, on risque d'avoir la solution. Servons-nous un peu plus, faisons-nous confiance un peu plus. Il y a des dangers. Des dangers que notre ego joue le jeu, quand on veut l'expérimenter. Mais chaque chose en son temps. L'intelligence supramentale est une énergie, comme je l'ai dit. Une énergie, c'est quelque chose qui voyage. Et ça ne provient pas de la Terre. Bon, sortez pas toutes. L'intelligence supramentale est une énergie qui ne vaut rien. Ça ne sert à rien tant qu'un être humain ne l'exprime pas. Lorsqu'il y a un récepteur humain pour la transformer et l'exprimer, ça devient de l'intelligence. Avant, c'est de l'énergie supramentale. Par l'homme, c'est de l'intelligence supramentale. On a eu tous les temps des êtres humains qui ont crié Eureka, qui ont découvert un flash. Et voilà. Il y en a que c'était théologique, une illumination. D'autres, c'était scientifique. D'autres, c'était simplement une affaire. Ils ont mis le doigt dessus. Comment? Ah, ce gars-là, il l'a. Donne-y le problème, il va jouer au golf, puis tu sors la solution. Ouais, il va distraire son ego, puis attend que la solution apparaisse. L'intelligence supramentale, c'est un facteur qui intelligencie l'homme. Ça entre en contact avec des cerveaux et des systèmes endocriniens qui sont particuliers. Donc, ça ne touche pas toute l'humanité. Ça touche des parties de l'humanité. Ça touche des parties d'humains. Et lorsque l'intelligence supramentale commence à réveiller les neurones d'un être humain, c'est là qu'il est fait à l'os. Il se pose des questions neuves. Il se répond de temps en temps. L'ego lui dit, « Hey, qui t'es pour répondre? Tu es un psychologue? Es-tu ceci? Es-tu un comptable? » Il y a des personnes en affaires qui, à un moment donné, vont montrer à leur comptable comment travailler. C'est ça. Ils vont dire à leur fiscaliste, « Ah oui, mais c'est pas d'allure, ça. » Le fiscaliste, il va dire, « Ben, même qu'on fait ça, il veut rien savoir. Ça n'a pas de sens. » Ah, le fiscaliste va dire, « Crime, ça c'est vrai. On vient de découvrir de quoi? » Tout le temps. Les meilleures nouvelles, les nouvelles solutions, les meilleures clés, c'est du neuf. Ou du brossage du vieux. Le brossage du vieux se fait chez ceux qui ne se conscientisent pas. L'amener du neuf, transformation en neuf, par le neuf du vieux, seulement chez ceux qui se conscientisent. L'énergie supramentale, ça habite n'importe qui. C'est pas attribuable à un dieu ou à une divinité. C'est l'homme, c'est la femme. C'est de l'intelligence. Ça existe chez l'homme. Sauf que l'être humain préfère enterrer son intelligence par sa connaissance, son expérience. C'est là le problème. Alors, si on veut réellement se gorocher dans le succès, sur toute sa vie, cesser de vivre de souffrance, cesser de vivre de haut et de bas, eh bien, on devra risquer. En affaires, on dit celui qui risque rien n'a rien. Au niveau d'intelligence supramentale, celui qui risque rien n'a vraiment rien. Ça, il n'aura pas le choix. Risquer, c'est quoi? Risquer, ça veut dire mettre au défi notre intelligence et notre ego. Je réponds sans doute à beaucoup de questions. Mettre au défi notre intelligence et notre ego veut dire être capable de discerner chez soi la saveur que nous vivons lorsque nous réussissons un bon coup, différemment que lorsque nous manquons un coup. Nous ne sommes pas le même humain lorsque nous prenons la bonne décision que le reste du temps. Nous ne sommes pas le même. Il y a une nuance. Cette nuance-là est de l'intelligence. Elle n'est pas là lorsque vous êtes là. Autrement dit, elle n'est pas là lorsqu'il y a de l'ego. Mais lorsque l'intelligence est là, vous êtes aussi là. Mais c'est une autre vision du monde, de vous-même, de l'événement. Alors, à un moment donné, tout ce qui se passe autour, on a l'information et on va juste, comme Guy Lafleur, s'en aller, inconsciemment ou consciemment, là où la rondelle va arriver. On l'apprend, on s'enfarge au bon moment, on se relève, on ramasse encore le disque, on contourne quelqu'un, on fait une pause, ça nous revient, on lance et on a un but. C'est le temps. À un moment donné, il lance la ligne bleue, ça rentre. À un autre moment donné, il contourne le but, ça rentre. Puis tout. Quand l'ego commence à embarquer dessus, hélas, le bonhomme est fini. Parce que maintenant, l'ego veut jouer au hockey. Puis l'ego et l'intelligence, ça ne marche pas. Parce que l'ego dit, je vais m'en aller là, je pense que c'est pas compliqué tellement. L'intelligence supramentale, c'est simplement pour qu'on l'appelle supramentale, c'est supérieur au mental, c'est intelligence au sens que ça n'attend pas de réflexion. Ça n'a pas besoin de l'expérience. Alors, n'importe quel être humain est capable d'avoir exactement ce qu'il a besoin d'avoir, même s'il ne connaît rien là-dedans. Une personne peut regarder un moteur d'automobile qui est en panne, puis dire, ben oui, mais quand l'ego voit le moteur d'automobile, là, il ne connaît rien là-dedans. Et l'autre personne va sortir son mouchoir, puis il va dire, ben, je ne sais pas, il va frotter affectueusement les fils, puis... On va le réessayer. Il réessaye, il a ôté l'humidité qu'il avait ses fils, le moteur part. Il y a des fortes chances que ce personnage-là ne fasse jamais de rapport entre ce qu'il a fait et le résultat. Parce que la prochaine fois, il n'aura pas essuyé ses fils, il ne croit pas à lui. Mais d'ailleurs, c'est peut-être plus les fils. Tout ce qu'il va conscientiser, c'est que, bon, en tout cas, je l'ai laissé reposer, là, puis le deuxième coup, ça va partir. Combien de fois on pourrait s'instruire de notre puissance, de notre intelligence, et qu'on ne le fait pas? Simplement parce que nous nous croyons incapables de. On demande des conseils d'autrui, mais l'homme d'affaires, la femme d'affaires ou n'importe quel humain averti demande des conseils pour savoir ce qu'il ne doit pas faire. Ma fille se drogue. Qu'est-ce que je dois faire? Ah ben moi, si elle ferait ça, ça aurait le choix dehors ou en dedans. Merci. Ça, on ne le fait pas. Parce que ce qu'il vous donne, c'est ce que vous ne devez pas faire. Un homme d'affaires averti réunit son conseil d'administration, donne des idées, puis quand il est fini, il sort la sienne. Il frustre tout le monde. Ah ouais, okay, il demande notre avis, c'est rien pour nous niaiser. Non, si vous n'êtes pas là, j'en ai pas d'idée. Vous êtes là, je sais maintenant quoi faire. Et il y en a un autre qui va sortir une idée, va être exactement la même que la sienne. Mais lui avec, il marche de même. Il écoute, il parle, il attaque, il démolit, il essaie, il parle. Puis finalement, on arrive en plein sur celle qu'il fallait. Celle que tous les gens avaient pensé à rejeter, celle qui sort après, c'est la bonne. Alors, il y a l'intelligence supramentale et ça, il y a l'énergie supramentale qui devient intelligente si l'homme, la femme, l'enfant s'y prête. Risquez. Pile ou face, de temps en temps, vérifiez. Tout ce qu'il faut faire, la vie, elle est là pour quelque chose. Si vous perdez un peu d'argent, perdez quelques amis, perdez quelques morceaux, de toute façon, à un moment donné, on risque de tout perdre. Donc, finalement, bon. Et il y a une chose qu'on doit savoir que l'ego sait. Tous les problèmes qu'on a eus, on s'en est toujours sortis. Fait que les problèmes qu'on va avoir ou qu'on a présentement, on va aussi s'en sortir. Ça marche comme ça, la vie. L'ego s'écarte de souffrir, il va vers le bien. S'écarte d'être heureux, il va vers le mal. Il a besoin de se nourrir des deux parties. Faites-vous-en pas, si ça va mal, ça va aller bien. Si ça va bien, faites-vous-en. Bon. L'intelligence supramentale, elle se libère chez l'humain. L'humain, tout ce qu'il a à faire, c'est de la vérifier. Simple. Mettez-la au défi, vous allez perdre des plumes. Ne la mettez pas au défi quand elle se sentira suffisamment bien chez vous, quand chez vous, il y aura suffisamment d'intelligence pour vous dire, j'ai toujours fait ça, mais là, je ne peux plus faire ça. C'est là que le succès va commencer à s'en aller. Vous allez être en guerre totale entre la partie astrale, l'ego, et le neuf. Vous allez être en guerre entre le vieux et le neuf. Et là, vous allez tout perdre. L'intelligence supramentale et le succès, attendez pas que l'intelligence vous la donne. C'est intelligent, mais c'est pas humain. C'est pas, ça vous aime pas. C'est intelligent. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est apprendre à la connaître. Comment puis-je savoir si telle chose, je dois le faire ou pas? Observez ce qui se passe chez vous. Ce que vous aimez le plus, ce qui vous tente le plus, ce qui vous sécurise le plus, essayez-le. Mais faites attention, je dis, moi, que l'homme doit vivre d'une vie facile, pas d'une vie pénible. Il y en a beaucoup pour qui c'est pénible. On doit faciliter les choses. Ou lâcher. Lâcher pour bien des gens, c'est pénible. L'ego s'attache. Mais si vous ne lâchez pas, la chose va vous lâcher. Il y en a que je rencontre de temps en temps similaires d'affaires et je leur dis, « Faut que tu lâches pendant 2 mois, va te reposer. » « Je peux pas. Continue. J'irai te voir à l'hôpital. » Il va se reposer pareil. Quand il ne voudra pas, mais il n'échappera pas. On doit faire un choix. Ce qui nous plaît, on le vérifie. Puis prenez des notes. Vous allez voir. Puis essayez ce qui ne vous plaît pas. Je ne dis pas, bon, mathématiquement, c'est évident que si vous vous lancez sur le marché pour vendre des corsets, comme il y avait dans l'Antiquité, ça risque de ne pas fonctionner. Lancez-vous pas là-dedans. Mais mentalement, vous faites vous déterminez un objectif en affaires ou simplement dans sa vie privée. Puis après ça, regardez émotivement lequel qui vous plaît. Et c'est là le facteur de danger. Voulez-vous du succès? Essayez celui qui vous plaît le moins. Semble mathématiquement logique, mais essayez celui qui vous plaît le moins. J'en connais qui achètent l'auto mathématique logique puis qui leur plaît. Ça démarre mal l'hiver. Puis la transmission, faut qu'elle change deux fois. Puis etc. Ils essuient vite, ça essuie mal, ça sort dehors. En tout cas, bon. Puis il y en a d'autres qui vont acheter ce qui va le mieux, puis ils vont se dire, tiens, on va prendre la moins bonne. Théologiquement, spirituellement, il y en a un paquet qui ont réussi en disant, c'est parce que j'ai fait acte d'humilité. Appelez ça comme vous voulez, mais ça marche. Question? Laval est-il le futur de Montréal? Chose certaine, c'est que Laval, c'est assez neuf, puis c'est très plaisant. Qu'est-ce qu'un choc astral et comment l'éviter? Un choc astral, c'est soit une désillusion totale par rapport à un objectif irréel ou illusoire qu'on s'était fixé, un objectif émotif. Un choc astral, c'est quand on s'est marié, on pense que tout va bien, 15 ans après, il faut se divorcer. On ne veut pas se divorcer pour manquer sa vie, parce qu'on préfère souffrir toute sa vie que d'avoir l'idée du concept qu'on l'a manqué parce qu'on ne s'est pas marié à la bonne personne. C'est ça, lâcher. Un choc astral, c'est aussi un choc émotif psychologique. Un choc astral, c'est aussi lorsque subitement on découvre qu'on est intelligent. Il y en a des gens qui ont peur d'eux autres, puis qui vont boire un peu. Première fois que tu rencontres quelqu'un, tu es humide, transpire, t'as peur. La personne te dit « qu'est-ce que tu veux? » et tu réponds avec une voix claire « je veux te parler. » Puis là, surpris en dedans, « tabarnouche, hey, ma voix est correcte. » C'est pas l'ego qui parle, c'est le mental qui parle. C'est pas ça que l'ego est surpris. Il connaît pas ça, lui. Sors de là. Je suis meilleur que je pensais. On n'est jamais meilleur qu'on pensait. On se pense moins bon qu'on est. C'est pas pareil. L'ego, non. L'ego, non. L'ego, c'est zéro. Lorsqu'un individu gagne, il peut avoir un choc qui va faire en sorte qu'il va accepter de gagner une fois par 10 ans. Il y en a beaucoup comme ça. Surtout dans l'évolution spirituelle. À un moment donné, ils découvrent un paquet de choses, ils voient le monde différemment. Paf! Contact avec Dieu, puis ils n'ont plus le reste de leur jour. Contact avec soi, oui, puis continuez de l'avoir. À quelle date votre séminaire sur la réussite? Je ne donne pas de séminaire sur la réussite, étant donné que la réussite est tributaire d'un paquet de facteurs de compréhension. Je donne des séminaires qui sont globales sur l'humain, c'est-à-dire que l'humain vient avec ce qu'il a, puis quand il part, il y en a pas mal moins à traîner. Et puis, un séminaire qui est plus spécifique au niveau des affaires, c'est un séminaire sur la parole juste. Les dates, je ne les connais pas. Il y a des personnes qui s'occupent de cela, puis on peut se renseigner. La meilleure façon, c'est de laisser ses coordonnées à un moment donné. De toute façon, soyez-en sûr, si vous laissez vos coordonnées, on ne vous achètera pas. La signification du mot supramental, on l'a donné tantôt. Supérieur au plan mental. Pour énormément d'humains, ça sera Dieu. Pour d'autres humains, ça sera l'énergie cosmique. Pour d'autres humains, ça sera l'énergie du subconscient. On appelle ça comme on veut. Chose certaine, c'est que si on réfléchit l'énergie supramentale, on n'est pas dedans en tout. On peut la parler, on peut la faire. Puis il faut qu'on soit anémotif, pas d'émotion. Et ça marche. Ça ne veut pas dire qu'on devient des robots. Absolument pas. Donner une claque en plein visage à une personne qui est réchauffée au niveau supramental, ça ne va absolument rien faire. Donnez-y un deuxième, il va vous bloquer. Donnez-y un troisième, il va vous maudire son propre face. Puis il va s'en aller. Sans quelqu'un accéléré, il ne vous aura pas haï, il va continuer à être indifférent, il va s'en aller, c'est tout. Il rentre dans un magasin, on le pousse, ne dérange pas. Il vient pour rentrer, on le pousse encore, ne dérange pas. Il vient pour rentrer, il se tasse, il rentre dans la vitrine, l'autre, là, pas ça, il rentre. C'est tout. Mais il n'y a pas besoin de faire au bain. L'intelligence supramentale, ce n'est pas programmatif, c'est libérateur de l'homme. Il s'en fait pas. Il se lève le matin pour faire du ski, il pleut, mais ça l'imperméable, il va prendre l'air. Quelles sont les raisons d'une peine d'amour? En réalité, c'est une panne d'amour, qu'on devrait dire. L'être humain, dans son vécu, a un défaut majeur qui lui a été salutaire. Il est investi d'un virus qu'on appelle l'âme. L'ego en est le cœur. Et l'âme, elle est altruiste à un point tel qu'elle prend tout son bonheur, puis elle le donne à autrui, Et elle exige d'autrui la politesse, la bonne éducation, l'altruisme, la spiritualité, l'évolution. Et elle lui dit, tu me remettras mon bonheur au fur et à mesure de mes besoins. Lorsque l'autre est absent, il n'y a pas le temps de te le remettre. Lorsque l'autre ne veut pas, il n'y a pas le temps de te le remettre. Lentement, il arrive une panne d'amour. Ou une peine d'amour. Oui, mais pourquoi qu'il me fait ça? Il te fait rien. Il vit. C'est tout. Lui, dans sa condition, il te fait rien. C'est tout. Si tu m'aimes, tu ne fais plus ça. Si je suis ton esclave, je ne ferai plus ça. Si je suis libre, je fais ce que je veux. Et je ne peux pas être assujetti à tes limitations d'amour. Une peine d'amour, c'est une panne d'amour. Et c'est extrêmement fréquent sur la planète Terre parce qu'il y a trop d'amour. Quelle est la mécanicité du fait que l'on attire le succès ou que le succès nous attire? On n'attire jamais le succès, mais justement, c'est le succès qui nous attire. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se laisser libre, de se laisser être et de se risquer à se casser la gueule. C'est comme dans n'importe quoi, on doit essayer. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on n'essaye pas béatement, c'est dangereux. On doit essayer en goûtant ce qui se passe en dedans. L'hiver. Quand vous vous levez et qu'il y a un soleil resplendissant dehors, faites confiance au soleil, il fait très froid. Quand c'est nuageux et couvert, le plafond de chaleur reste là. Faites confiance aux nuages, il fait chaud. La mécanique qui attire où je vais vers le succès, comment puis-je m'embarquer dans ce qui marche, dans ce qui fonctionne? Observez ce qui se passe en dedans. Et à un moment donné, vous allez être vous tel, vous connaître, biologiquement, endocrinalement. Vous allez vous connaître à un point tel que vous allez savoir totalement ce que vous devez faire, ce qui est correct pour vous, biologiquement. L'être humain qui ne veut pas faire l'essai parce que son ego le restreint, parce qu'il a peur de manquer son coup, qui préfère se fier à son expérience antérieure ou à l'expérience des autres, va à un moment donné aussi avoir des problèmes. S'il se conscientise, il va perdre son succès. La conscientisation est une mutation, une transition entre une étape et une autre. Les lois qui assujettissent l'humain au succès ici ne sont pas les lois qui l'assujettissent au succès ici. Pendant la période de transition, bien souvent, les gens perdent tout. Si on est en masse de gens, il y en a qui vont nous supporter temporairement pendant que nous, on va être tout croche. Mais si on est une gang de conscientisés qui travaillent ensemble ou qui vivent ensemble, il risquera d'y avoir des problèmes. Alors, on doit transiter rapidement pour aller chercher la mécanique en haut. L'être humain intelligent ne manque jamais son coup. Parce que le succès, il lui est donné. Mais il doit y aller. Il doit juste être libre. Ça marche. Mais on doit savoir comment le discerner. L'intuition correcte de l'intuition émotivement colorée. Comment le discerner? C'est pas avec l'intelligence en dedans comme ça, abstraitement. Faites-vous-en pas. Quand vous aimez une chose, observez votre corps physique, vous allez voir, votre corps physique vit quelque chose. Quand vous haïssez, il vit quelque chose. Quand ça sera la bonne décision, votre corps physique le vit. C'est exprimé dedans. Quand ça ne l'est pas, il le vit, c'est exprimé dedans. On continue. Il y en a qui font référence inconsciemment. On doit apprendre. Alors, on se risque. Est-ce intelligent de vouloir comprendre la logique d'une mécanique ou est-ce simplement une manipulation de la psychologie? C'est intelligent étant donné que ça permet à la psychologie d'être assurée par le fait qu'il en comprend la mécanique, mais ce n'est pas utile du point de vue d'une efficacité réelle. Il y en a qui passent leur vie à réussir, on les étudie, on en fait des livres, on l'enseigne à les universités, puis on forme les prochains pour réussir. L'autre, il ne sait pas pourquoi ça marchait, mais on l'étudiait parce que ça marchait son affaire. Je suis à la recherche de ce que je dois faire. Pour pouvoir savoir où vibrer, faut-il être en attente active? Je veux dire, exemple, faire des entrevues qui me semblent intelligentes sans nécessairement vouloir le travail. Est-ce que de cette façon, je peux vibrer mon futur et comment le vérifier? Une dame du PMC. L'attente active, c'est évident que c'est sine qua non. C'est comme la personne qui veut gagner un million à la loterie puis qui n'achète jamais de billets. Elle est dans une attente passive. Si la vie, ou si ta destinée, ou si ce que tu voudras a de donner de l'argent à la loterie, bien, achète un billet de temps en temps, vérifie-le de temps en temps, c'est utile, mais ne pense pas gagner. C'est l'attente active. L'attente active, c'est une immense solution pour n'importe quoi. c'est d'être capable, le terme est très extrêmement puissant, d'être capable de comprendre ce que ça veut dire. Ça ne vaut même pas la peine d'expliquer parce qu'on ne doit pas l'apprendre, on doit comprendre ce que ça veut dire. Si je l'explique, on va l'apprendre. Si je ne l'explique pas puis qu'on se laisse résonner les mots, attente active, ça a l'air contradictoire. Ce n'est pas contradictoire. Et quand on va comprendre, on va pouvoir l'appliquer immédiatement. Alors, la personne qui ne sait pas où aller, bien, effectivement, elle fait des entrevues au niveau de son métier. Qu'elle fasse des entrevues, c'est de l'attente active. Elle aura son trou. Quelle est la relation entre la réussite et l'excellence? L'un est-il toujours le prérequis de l'autre? L'excellence, c'est exclusivement l'expression de l'intelligence. J'aime bien qu'on me pose cette question parce que c'est génial. L'excellence, c'est l'expression de l'intelligence chez l'homme, et chez la femme, et chez l'enfant. C'est l'excellence. La réussite, c'est autre chose. Le succès tel que je le conçois moi, c'est d'être libre et de cesser d'avoir des problèmes. J'ai un problème, mon fils se drogue. Vous n'avez pas de problème, c'est son problème. Attention au niveau des problèmes. L'excellence, c'est la marque de commerce de l'intelligence. L'onde de forme ajustée, convenable, propre. La libération des problèmes matériels, c'est l'intelligence. Et nécessairement, c'est le succès. La seule chose qu'il y a, c'est que lorsqu'on a atteint le succès à travers la mécanique psychologique, la motivation, l'étude, si on se conscientise le moindrement, on va en arriver à une saturation. Il faudra qu'on passe à l'étape majeure. Celle où c'est maintenant nous, par intuition instantanée, par confiance de l'ego à notre capacité d'aboutir, ou de changer de trac. Ne réussissez pas là où vous voulez réussir, mais réussissez. Avoir du succès, c'est la même chose. On a des employés qui se motivent. C'est dangereux, parce que si leur motivation est une motivation à échec, puis qu'on s'assoit, on se dit, on est assis dessus, il faudra qu'on s'enligne pour qu'ils réussissent, c'est tout. Pas réussir quelque chose. La carotte, on la met en avant pour l'ego. Mais l'intelligence doit nous autoriser à changer de carotte n'importe quand. À changer d'idée comme on change de chemise. Dernière question. Ceux qui ont à vivre la réussite en affaires sont-ils identifiés dès leur naissance? Sachez une chose, c'est qu'il y a des succès et des échecs, et on ne sait pas qui vivra le succès, qui vivra l'échec, mais il y aura des humains qui vivront le succès et des humains qui vivront l'échec. L'être humain...